Le comité suisse-corée et le cercle suisse d'études des îles du Tutsin ont publié le 11 une déclaration commune en faveur de l'avertissement important du département d'artillerie de l'état-major général de l'armée populaire de Corée. En affirmant que la disposition du système antimissile SAD en Corée du Sud est un grand danger de la paix dans la péninsule coréenne, de l'Asie Nord-Est et du monde, la déclaration a souligné que la décision de l'introduction de ce système sous la contrainte des États-Unis prouve nettement que la bande de Pakonnet est la traîtresse sans précédent.